Idou. Il y a des gens qui cherchent l'amour. Il y a des gens qui cherchent l'argent. Ces gens-là, ils cherchent toujours. Quand ils se réveillent, ils ont 100 ans. S'ils trouvent quelque chose, ils cherchent encore. Ce qu'ils veulent, c'est la poule aux œufs d'or. À ce type d'individu, nous disons ceux qui n'ont jamais cherché, qui sont morts le jour où ils sont nés. Le coup de pied au cul, c'est leur copain. Et ils le reçoivent chaque matin. Ils ressemblent tellement à des bovins. Dans leurs yeux, ils brossent des trains. À ce type d'individu, nous disons non ! La vie passe. La vie passe. Tous ceux qui cherchent rien, mais qui trouvent pour le voisin. Les « vous devriez faire ça », les « on m'a dit », les « yaka ». Sur la route, ils sont policiers, y a-tu dans leur foyer. À ce type d'individu, nous disons « non ! » Fais beau rêve, marche et crève. Sur ta tombe, il y aura des lettres dorées. Il avait la priorité. Allez. Puis il y a tous les rigolos qui se marrent dans leurs feuilles d'impôt. Mais c'est pas grave, les pieds nickelés, qui prennent les tuiles du bon côté. Ils vivent tellement l'instant présent que même la mort est prise dedans. À ce type d'individu, nous disons ouais! Fais-t'en vivre, t'as qu'à me suivre, quand viendra le jour où on t'enterra, toi tu diras ouais! Ouais!